Jérémie chapitre 2. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, va, écris, ceux de Jérusalem l'entendant, et dis, ainsi a dit l'Éternel, il me souvient, pour l'amour de toi, de la compassion que j'ai eue pour toi en ta jeunesse, et de l'amour de tes épousailles, quand tu venais après moi dans le désert, en un pays qu'on ne sème point. Israël était une chose sainte à l'Éternel, c'était les prémices de son revenu, tous ceux qui le dévoraient, étaient trouvés coupables, il leur en arrivait du mal, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi a dit l'Éternel, quelle injustice ont trouvé vos pères en moi, qu'ils se soient éloignés de moi, qu'ils aient marché après la vanité, et qu'ils soient devenus vains, et ils n'ont point dit, où est l'Éternel qui nous a fait remonter du pays d'Égypte, qui nous a conduits par un désert, par un pays de landes et montagneux, par un pays aride et d'ombre de mort, par un pays où aucun homme n'avait passé, et où personne n'avait habité? Car je vous ai fait entrer dans un pays de Carmel, afin que vous mangeassiez ses fruits, et de ses biens, mais sitôt que vous y êtes entrés, vous avez souillé mon pays, et avez rendu abominable mon héritage. Les sacrificateurs n'ont point dit, où est l'Éternel? Et ceux qui expliquaient la loi, ne m'ont point connu, et les pasteurs ont prébarriqué contre moi, et les prophètes ont prophétisé de par Baal, et ont marché après des choses qui ne profitent de rien. Pour cette cause encore je plaiderai avec vous, dit l'Éternel, et je plaiderai avec les enfants de vos enfants. Car passez par les îles de Chittim, et voyez, envoyez en Kedar, et considérez bien, et regardez s'il y a eu rien de téléphone. Y a-t-il aucune nation qui ait changé de Dieu, lesquels toutefois ne sont pas Dieu? Mais mon peuple a changé sa gloire en ce qui ne profite de rien. Cieux, soyez étonnés de ceci, ayez-en de l'horreur, et soyez extrêmement asséchés, dit l'Éternel. Car mon peuple a fait deux maux, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent point contenir d'eau. Israël est-il un esclave, ou un esclave né dans la maison? Pourquoi donc a-t-il été mis au pillage? Les lionceaux ont rugi, et ont jeté leurs cris sur lui, et on a mis leur pays en désolation, ses villes ont été brûlées, de sorte qu'il n'y a personne qui y habite. Même les enfants de Noph et de Taphné, te casseront le sommet de la tête. Ne t'es-tu pas fait cela, parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, dans le temps qu'il te menait par le chemin? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour y boire de l'eau de Sior? Et qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie, pour y boire de l'eau du fleuve? Ta malice te châtiera, et tes débauches te réprimanderont, afin que tu saches et que tu vois, que c'est une chose mauvaise et amère, que tu aies abandonné l'Éternel, ton Dieu, et que tu ne sois point rempli de ma frayeur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Parce que depuis longtemps j'ai brisé ton joug et rompu tes liens, tu as dit, je ne serai plus dans la servitude. C'est pourquoi tu as erré en te prostituant sur toute haute colline, et sous tout arbre verdoyant. Or je t'avais moi-même planté comme une vigne exquise, de laquelle tout le plan était franc, comment donc t'es-tu tourné en s'armant d'une vigne abâtardie? Quand tu te laverais avec du nitre, et que tu prendrais beaucoup de savon, ton iniquité demeurerait encore marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Comment dis-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baalins? Regarde ton train dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire légère, qui ne tient point de route certaine. Ânesse sauvage, accoutumée au désert, humant le vent à son plaisir, et qui est-ce qui lui pourrait faire rebrousser sa course? Nul de ceux qui la cherchent, ne se lassera après elle, on la trouvera en son mois. Retiens ton pied, que tu ne marches des chaussées, et ton gosier, que tu ne sois altéré. Mais tu as dit, c'en est fait. Non, car j'aime les étrangers, et j'irai après eux. Comme le larron est confus quand il est surpris, ainsi sont confus ceux de la maison d'Israël, eux, leurs rois, les principaux d'entre eux, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Qui disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as engendré. Car ils m'ont tourné le dos, et non pas la face, puis ils disent dans le temps de leur calamité, lève-toi, et nous délivre. Et où sont tes dieux que tu t'es fait? qu'ils se lèvent pour voir s'ils te délivreront autant de la calamité, car, ô Judas, tu as eu autant de dieux que de villes. Pourquoi plaideriez-vous contre moi? Vous avez tous péché contre moi, dit l'Éternel. J'ai frappé en vain vos enfants, ils n'ont point reçu d'instruction, votre épée a dévoré vos prophètes, comme un lion qui ravage tout. Horace, considérez vous-même la parole de l'Éternel, qui dit, « Et j'étais un désert à Israël? Et j'étais une terre toute ténébreuse? Pourquoi mon peuple a-t-il dit, « Nous sommes les maîtres, nous ne viendrons plus à toi, la Vierge oubliera-t-elle son ornement, l'épouse ses atours? Mais mon peuple m'a oublié durant des jours sans nombre. Pourquoi rends-tu ainsi affecté ta contenance pour chercher des amoureux, en sorte que tu as même enseigné tes manières de faire aux femmes de mauvaise vie? Même dans les pans de ta robe a été trouvé le sang des âmes des pauvres innocents, que tu n'avais point surpris en fracture, mais il y a été trouvé pour toutes ces choses-là. Et tu dis, je suis innocente. Quoi qu'il en soit, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je m'en vais contester contre toi, sur ce que tu as dit, je n'ai point péché. Pourquoi te donnes-tu tant de mouvements, changeant de chemin? Tu seras aussi confuse d'Égypte, que tu as été confuse d'Assyrie. Tu sortiras même d'ici, ayant tes mains sur ta tête, parce que l'Éternel a rejeté les fondements de ta confiance, et tu n'auras aucune prospérité par eux.